Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. On les savait au Proche-Orient, Égypte ou Liban. Ils ont investi depuis longtemps les quatre continents, Patagonie, Kenya et Afrique du Sud, désert du Taklamakan et basse terre du Yucatan. Les voici désormais jusqu'aux cimes de l'Afghanistan, les glaces de l'Alaska. Orientalistes, africanistes, américanistes ou océanistes, qui sont-ils? Les archéologues, bien entendu, mais pas n'importe lesquels, les extrapolitains, ceux qui exhument de par le monde le passé d'autrui, ce passé qui est aussi le nôtre, ceux qui, à l'échelle internationale, mettent en évidence toutes les cultures sans exclusive et par là même l'émergence des sociétés, des États, leur effondrement aussi. On ne le sait que trop peu, cette archéologie est réalisée sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Peut-être est-ce pour cela que les archéologues sont les premiers sur les fronts pionniers, souvent les derniers à les quitter à l'apparition de nouveaux conflits. Pour ce tour du monde, pour entrevoir les enjeux scientifiques, géopolitiques, voire diplomatiques, quatre invités, et tout d'abord Anne Griot, directrice de la coopération culturelle universitaire et de la recherche du ministère des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Longtemps en poste à Pékin, votre carrière vous a mené à Rabat, mais aussi à Barcelone, où vous étiez consul général de France. Jean-François Jarige, Marc Drouet, Pascal Buterlin, bonjour. Bonjour. Jean-François Jarige, vous êtes membre de l'Institut ancien, président du Musée Guimet et grand spécialiste du sous-continent indo-pakistanais. Vous êtes le fouilleur avec Catherine Jarige de Mergar et de Nochero dans le Beloutchistan. J'espère que nous reviendrons sur cette extraordinaire civilisation de l'Indus encore si peu connue. Marc Drouet, vous représentez aujourd'hui le ministère de la Culture puisque vous êtes sous-directeur de l'archéologie à la Direction générale des patrimoines. À vous la charge de l'archéologie sur notre territoire national, celle de Lascaux et des grands travaux. Enfin, Pascal Buterlin, professeur d'archéologie orientale à l'Université de Paris 1. Vous fouillez le site de Mari en Syrie, une de ces grandes cités mésopotamiennes exhumées depuis des décennies par la France. Justement, Pascal Buterlin, la Syrie, Mari, c'est fini ? Non, on espère que non, surtout. Bon, les travaux sont évidemment interrompus sur le terrain, mais le travail continue. Il s'agit d'abord de recherche, bien sûr, de publication, de valorisation, mais aussi de coopération. Il est très important pour nous de garder des contacts, en particulier avec les chercheurs syriens et avec la communauté internationale, notamment, non, aussi bien pour les travaux scientifiques que pour tenter de prévenir les destructions. Dans mon cas, par exemple, on va organiser... Oui, Mari, où en est-on de Mari, de cette extraordinaire cité ? En particulier dans mon cas, on va organiser avec le Louvre une exposition à l'Institut du Monde Arabe au mois de janvier prochain, à l'occasion des 80 ans de la mission de Mari. C'est pour nous l'occasion non pas de célébrer, parce que l'heure n'est pas à la célébration, mais surtout de manifester, de rappeler à quel point nous sommes attachés à cette coopération, de le faire savoir également et de faire participer tous nos collègues syriens, évidemment. On peut penser que Mari aurait été en partie détruite, pillée ? J'ai eu des informations ce matin, toutes fraîches du site. Le site a subi effectivement des pillages considérables. On essaie d'évaluer pour l'instant l'ampleur des destructions. La maison de fouille a été pillée et saccagée. Il y a un certain nombre de trous qui ont été creusés dans le site, notamment dans le Grand Palais Royal. On est en train de faire le listing et l'évaluation des dégâts. Anne Griot, combien de missions archéologiques françaises dont vous avez la charge sillonnent aujourd'hui le monde ? Alors, 155 missions. C'est 60... beaucoup, déjà. Voilà. 155 missions, 63 pays et je crois qu'on peut dire aujourd'hui tous les continents sont désormais couverts. Et alors pourquoi sous l'égide du ministère des Affaires étrangères ? Ce n'est pas absolument pas le cas de d'autres disciplines. L'archéologie semble un cas particulier. Alors c'est vrai que c'est une dimension tout à fait à part de l'action diplomatique, très peu connue du grand public, voire pas du tout. Mais c'est ancien et ça s'appuie sur un dispositif original et unique au monde. Mais c'est d'abord né d'une rencontre, celle du général de Gaulle avec Henri Sérigne, et le souhait en 1946 de faire revivre une commission des fouilles, mais de la créer, de faire une commission interministérielle et de la placer auprès du ministère des Affaires étrangères. Elle s'est réunie d'ailleurs pour la première fois en juillet 1945. Et c'est un dispositif original parce que il assure à la fois toute la coordination de l'archéologie française à l'étranger. Il décide des nouvelles fouilles, des reconductions, et puis surtout, il coordonne tous les acteurs nombreux, institutionnels, institutions culturelles, scientifiques et de recherche. Jean-François Jarige, sans nous lancer dans un débat trop administratif, disons que cette commission des fouilles a donc été créée en 1945, probablement pour restaurer le prestige de la France. Aujourd'hui, au-delà des relations Nord-Sud, nous serions dans une relation plus solidaire ? Oui, tout à fait. L'enjeu principal de cette commission des fouilles, c'est de servir la cause du patrimoine à l'échelle mondiale. C'est pour cela que, quand nous étions plus jeunes, il y avait parfois cette compétition entre les missions françaises, missions allemandes, britanniques. Aujourd'hui, la plupart de nos missions sont françaises, sont néanmoins des missions internationales. Nous travaillons avec beaucoup de collègues étrangers. Et c'est aussi une tâche qui est la reconstitution d'un patrimoine mondial, puisqu'on sait que derrière la recherche archéologique peuvent se cacher des poussées nationalistes dans certains pays. Donc il est vraiment important d'avoir une vision sereine de ce passé, qui est un passé qui nous intéresse au-delà de nos frontières nationales. Donc la commission des fouilles est effectivement un agent important. Et comme l'a rappelé la directrice générale, Mme Griot, cette volonté du général de Gaulle est née aussi du fait que la plupart des archéologues qui travaillaient à l'étranger avait rejoint la France libre. Donc il y avait Joseph Aquin, bien sûr. Joseph Aquin en tête, hein, mort sur les côtes françaises. Mort pour la France. Céric, bien sûr. Et Claude-Henri Scheffer, qui était aussi un agent de la France libre. Et les plus jeunes aussi, comme Gardin, qui était aussi dans les forces navales françaises. Jean-Claude Gardin. Et Bernard Grolier, qui était aussi dans les forces libres françaises. Donc il y a eu là cette volonté de confier au ministère des Affaires étrangères ce rôle et effectivement de travailler dans un esprit qui, à l'époque, c'était le retour de la France comme pour le savoir-faire patrimonial, mais pas du tout dans un esprit colonial, puisque, rappelons-le, les grands champs français, de l'archéologie française avant la guerre, c'était l'Afghanistan depuis 1920, la Perse, qui étaient des pays qui ne faisaient pas partie de notre rayonnement, disons, colonial, mais des pays qui ont fait appel à la France. Donc, en 1945, cette volonté de recréer cet outil, mais sous le patronage du ministère des Affaires étrangères, on en reparlera, qui est une spécificité française. Aujourd'hui, une relation plus solidaire ? Oui, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, toutes les missions, et c'est une demande de nos ministères, qu'il s'agisse du ministère des Affaires étrangères, de la recherche et de la culture, c'est que nos missions soient des vecteurs aussi de développement par des bourses, par des thésards. Et c'est surtout un formidable instrument de cette francophonie, puisqu'il est rare de ne pas trouver dans un pays un directeur ou un directeur adjoint qui n'a pas fait une thèse en France et qui est donc un élément très important permettant ce rayonnement aussi de notre langue et le moyen pour nous de bénéficier des recherches de ces pays, car le niveau de l'archéologie dans tous ces pays s'est considérablement élevé. Nous ne sommes plus du tout à l'époque où des missions arrivaient dans des pays qui avaient d'autres soucis ou qui étaient sous la coupe de l'Empire ottoman, comme c'était le cas dans la première moitié du début du XXe siècle. Anne Griot, l'archéologie est la coopération par excellence. L'une des meilleures écrivait il y a quelques années, Yves Saint-Jour. Les archéologues sont-ils réellement vecteurs de diplomatie ? Ça paraît un peu curieux, quand même. Ou pas évident. Écoutez, oui. Moi, je dirais que oui. Parce que coopérer, finalement, c'est quoi ? C'est créer du lien humain, c'est créer de la confiance, c'est savoir écouter l'autre, accepter sa différence, apprendre de lui. C'est aussi s'inscrire dans la durée. Et je trouve qu'en cela, entre le travail des archéologues et le travail des diplomates, il y a beaucoup de points communs. Et il n'est pas d'ailleurs complètement neutre que certains diplomates, je pense notamment au XIXe siècle, étaient aussi à l'origine de découvertes. Je pense par exemple à Paul-Émile Botta, qui était en poste à Mossoul comme consul général, Irak, qui va découvrir le site de Khorsabab. Je pense également à Ernest de Sarzec, qui était consul à Bassoa également. Donc il y a toujours une tradition ancienne de liens étroits entre diplomatie et archéologie. Donc je trouve qu'il y a des points communs. Et puis, oui, je crois qu'on peut s'enorgueillir du fait que nos archéologues sont parmi les meilleurs. Moi, j'en vois au moins, en tant que diplomate, trois témoignages. D'abord parce qu'on fait appel à eux, souvent, pour leur expertise, leur formation, la transmission du savoir. Un exemple d'actualité, le ministre des Affaires étrangères était il y a quelques jours en Mongolie et a signé un accord de coopération en matière d'archéologie. C'est vers la France qu'on s'est tourné. Deuxième exemple, c'est que je comprends quand même que parmi toutes les publications internationales, le contenu de la production scientifique française est valorisé. Et autre témoignage, c'est le nombre, Jean-François Jarry, je l'évoquais à l'instant, de chercheurs étrangers qui viennent en France se former, qui viennent également sur nos sites et qu'on associe aussi à l'étranger sur nos chantiers de fouilles. Il y a bien entendu des chercheurs du CNRS, des universités qui œuvrent à l'étranger. Il y a aussi des conservateurs du patrimoine issus du ministère de la Culture, ministère que vous représentez, Marc Drouet. Oui, alors tout à fait. C'est effectivement un moyen de valoriser l'expertise des archéologues français à l'occasion de ces opérations extérieures. Alors, soit dans le fonctionnement d'ailleurs normal de ces organisations, qu'il s'agisse du Centre national de la préhistoire qui s'est rendu en Afrique du Sud, qui a actuellement une mission en Australie, donc pour tout ce qui concerne les grottes ornées. C'est le cas de l'INRAP qui intervient à l'occasion de fouilles préventives, qui est intervenu au Cambodge, qui intervient en ce moment en Algérie. Mais c'est aussi très souvent l'intervention personnelle de ces archéologues à l'occasion de leur congé. Et donc dans le cadre des opérations qui sont validées par la commission des fouilles, et donc des opérations qui font appel à des archéologues, alors de l'INRAP, du ministère de la Culture. On a des exemples en Syrie, en Arménie en ce moment avec François Fichet, Clairefontaine, Stéphane Deschamps, aussi. En Roumanie avec Bernard Randouin, en Azerbaïdjan avec Christine Laure donc du musée de Saint-Germain-en-Laye, Jean-Olivier Guillot avait été présent aussi en Palestine. L'intérêt pour nous, c'est à la fois la formation de ces archéologues, mais également, le cas échéant, la formation d'archéologues étrangers qui participent à ces opérations, comme par exemple en ce moment à Gaza, où le ministère de la Culture, à travers le département des affaires européennes et internationales de Bruno Favel, finance la prise en charge d'un restaurateur qui intervient donc sur le site de Saint-Hilarion, monastère du 5e siècle. Voilà. Faisons un peu de géopolitique, de l'archéologie. Tout d'abord l'Irak, où a œuvré longtemps Jean-Louis Huot, et où nous revenons, semble-t-il, en force. Jean-François Jarige. Pascal Buterlin pourra en parler encore mieux que moi. Effectivement, c'est vrai, c'est près de la Syrie. Nous avons depuis maintenant quelques 3-4 ans le Kurdistan qui s'est ouvert aux recherches archéologiques. Le Kurdistan qui est donc pour nous aussi un peu le tremplin pour espérer revenir en Irak, surtout, je crois que maintenant il y a des discussions et peut-être des possibilités. Mais au Kurdistan, nous avons plusieurs missions qui fonctionnent très bien et qui représentent un peu cet effort. Nous avons parlé des pays en difficulté. Nous avons une expertise archéologique française qui permet à des collègues de glisser, si vous voulez, d'une région à une autre. Et plusieurs collègues qui travaillaient en Syrie travaillent maintenant, ou qui travaillaient en Irak auparavant, puisqu'il y a eu un mouvement Irak-Syrie et maintenant retour vers l'Irak par le Kurdistan. Leur expertise, évidemment, dépasse les frontières actuelles. Et ainsi, on arrive à revenir sur le domaine irakien. Mais je laisse à Pascal le soin. Oui, je crois effectivement, comme le disait Jean-François Jarige, qu'il y a un effet de nomadisme archéologique très fort, en particulier au Proche-Orient. On n'est pas à la première série de crises que connaît la région. Il y a eu l'Afghanistan, l'Irak ensuite. André Parot quittait l'Irak pour la Syrie dans les années 30, puis il y est revenu, puis il est reparti. Je dirais que ce mouvement pendulaire est de longue date. Là, le Kurdistan, effectivement, nous offre une magnifique opportunité. Et je crois qu'avec le ministère des Affaires étrangères, effectivement, on a su saisir cette occasion. L'ouverture aussi d'une antenne, justement, de l'Institut français à Erbil a facilité grandement la chose. Et les projets sur l'Irak, oui, ma foi, je devais partir à Bagdad au mois d'octobre pour justement entrevoir les possibilités d'une nouvelle coopération. Mais la situation politique étant quand même très, très délicate, on s'en est remis à la sagesse du poste et on espère pouvoir faire ça dans les mois qui viennent. Puisque l'on avait aussi fouillé des grandes villes, Larsa notamment, dans le sud de l'Irak. Larsa qui a été, bien sûr, extrêmement pillée et qui a notamment souffert de la guerre. L'exemple peut-être le plus spectaculaire reste sans aucun doute l'Afghanistan, où la France était depuis toujours, je dirais, très implantée. On se souvient bien sûr des fouilles de Bégram, je citais tout à l'heure aussi Joseph Akin dans les années 30. Oui, une de nos premières actions quand les talibans ont quitté Kaboul, dans les mois qui ont suivi, nous avons commencé des démarches et nous avons pour rouvrir la DAFA. C'était un souhait des Afghans. Pour eux, la réouverture de la DAFA était le symbole d'un redémarrage. Alors la DAFA, disons qu'il s'agit de la délégation archéologique française en Afghanistan créée en 1922. Ne le savent pas. Voilà. Et donc cette délégation archéologique française en Afghanistan a pu redémarrer en 2002-2003 avec des activités de terrain très importantes à Bakh, des découvertes nombreuses. Depuis quelque temps, évidemment, la situation, comme vous le savez, est plus difficile. Il n'empêche que la DAFA continue de travailler, qu'il est très important. Il y a la collaboration sur le site de Maïsénac, un grand site bouddhique dont Philippe Marquis, je crois, a parlé récemment. Il y a diverses actions qui continuent. Et à un moment qui est un tournant, si vous voulez, dans l'histoire de l'Afghanistan, avec probablement le départ des troupes internationales, il est très important de maintenir ces liens. Les archéologues sont ceux qui partent les derniers, mais quand il est possible de ne pas partir, nous restons. Et donc, je crois que notre action en Afghanistan est une action qui, sur le plan scientifique, est importante, avec beaucoup de formation, d'ailleurs, et formation d'Afghans, mais qui est en même temps un symbole très fort de la présence française dans cette région. Après la destruction des Bouddhas de Bamiyan, la délégation archéologique française est donc bien sûr très implantée. Son directeur Philippe Marquis, qui était la semaine dernière sur les ondes de Culture Monde de Florian Delorme. Donc Philippe Marquis œuvre, semble-t-il, sur tous les fronts. Bactre, une très belle découverte. Aussi cette étonnante mine chinoise de Messénac. Messénac, oui, c'est en fait l'emplacement où les Chinois doivent ouvrir une très importante mine de cuivre. On a découvert des vestiges d'un monastère bouddhique du 3-4e siècle qui est absolument avec énormément de sculptures, des architectures assez bien conservées. Et c'est naturellement les Afghans qui mènent cette opération. Mais la DAFA a beaucoup participé par les photos aériennes, par le travail de restauration et de mise en valeur de ce site pour sauver un maximum de données de cette très, très importante découverte. Écrire avec un pays, parfois une nation en construction, le livre de ses origines est certes un acte de coopération, un acte politique fort, bien entendu. Mais attention, l'archéologie peut être aussi affaire d'identité nationale, Jean-François Jarige. Oui, il faut savoir que nous abordons, nous, enfin je l'espère, ces problèmes dans une optique purement scientifique, mais que certains pays utilisent leur archéologie pour une construction nationale. Comme on l'a fait un peu chez nous au 19e siècle avec les Gaulois et autres. Et jusqu'en 40, les poussières. Oui, on retrouve à peu près les mêmes phénomènes. C'est très particulier, par exemple, en Inde, avec un mouvement, le Hindutva, où il est parfois très difficile de ne pas vexer nos collègues en restant. Donc, il est donc important dans notre collaboration d'encourager une archéologie plus ouverte et plus, je dirais, plus objective. Et donc, les collaborations que nous pouvons mener avec les formations, tous ces archéologues qui viennent se former en France, c'est aussi, ou en Allemagne ou ailleurs, hein, c'est aussi une façon d'éviter ce côté un peu nationaliste qui présente l'avantage parfois d'obtenir des crédits du pouvoir politique, content de voir un discours valorisant la gloire du pays, mais il ne faut pas en abuser, il faut au contraire nuancer par de véritables données scientifiques. Jean-François Jarige, qu'en est-il de l'archéologie dans le Beloutchistan pakistanais? Que sont devenus par exemple vos sites, Mergar, Nocherou, Pirak? Je crois que tous ceux qui suivent les actualités savent que nous travaillons dans la région de Quetta, qui est aujourd'hui le siège du Mullah Omar et des talibans, et qui est une région extrêmement incertaine et dangereuse. Donc nous avons fermé ce chantier de fouilles, dans des conditions d'ailleurs un peu dramatiques, ce qui nous amène évidemment à publier, mais pas du tout à arrêter notre collaboration avec le Pakistan. Nous avons regroupé, nous avions une mission aussi au Makran, dans le sud du Beloutchistan, une région aussi très peu sûre aujourd'hui, et nous avons regroupé nos activités sur ce qu'on appelle la base de la vallée de l'Indus, le Sindh, dans la région de Karachi, qui est beaucoup plus sûre. Et nous avons donc notre mission maintenant, c'est centrée dans cette région, et a aussi, avec un jeune chercheur, soumis un appel d'offres pour pouvoir travailler en Inde. Les Indiens sont intéressés par une collaboration qui sera à cheval sur la frontière Indus et les parties de l'Inde qui bordent la civilisation de l'Indus. Donc, une fois de plus, nous adaptons à la situation sans jamais renoncer. On se glisse là où l'on peut travailler en utilisant notre expertise. Et Dieu sait si l'Inde était, semble-t-il, fermée à toute fouille étrangère, et ça depuis des décennies. La géopolitique des conflits est bien sûr pulsatile. Les archéologues sont-ils les premiers sur des fronts pionniers, les derniers à les quitter à l'apparition de nouveaux conflits, Anne Griot? Vous en avez vraiment le sentiment, vous, qui êtes du côté du ministère des Affaires étrangères? Oh ben c'est plus qu'un sentiment, c'est le constat d'une réalité. Jean-François Jarige évoquait l'Afghanistan. La délégation a été réouverte moins d'un an après l'intervention à Kaboul. On l'a vu également en Irak, où on a repris immédiatement les missions dès qu'elles ont été possibles sur les sites, je pense notamment Erbil, c'était déjà dès 2010, Permagron, c'était 2011. Donc à chaque fois, dès que cela a été possible, les fouilles ont repris. Donc oui. Pascal Bulterlin, on parlait de Marie, mais la Syrie en général, que se passe-t-il? Oh ben ma foi, là, la situation... Parce qu'il y a beaucoup d'archéologues syriens qui travaillaient avec des Français et d'autres nations aussi. On pense bien sûr à Ebla, avec les Italiens. Bien sûr, on avait une très active collaboration avec tous nos collègues européens et on a eu à cœur, je crois, depuis que le conflit a débuté, de garder ces liens, effectivement, et de les revitaliser, aussi bien avec nos collègues syriens, avec tout le réseau des doctorants syriens en particulier qui sont sur place ou en France, auquel on a offert effectivement la possibilité de poursuivre leurs travaux autant qu'on le peut, effectivement. Et on est aussi très attaché, évidemment, justement, sur le terrain, à pouvoir éventuellement prévenir les catastrophes et voir ce qui peut être fait. On a eu l'occasion en particulier de travailler avec l'ICOM à la publication de la liste rouge sur la Syrie fin septembre. Et je crois qu'il est très important aujourd'hui, surtout après ce qui s'est passé en Irak, de bien prendre conscience que l'archéologie à l'étranger, ça n'est pas uniquement un dégât collatéral qui se compte après le conflit. Il est absolument indispensable que pendant le conflit, les acteurs du conflit soient parfaitement conscients qu'ils seront redevables devant la communauté internationale des crimes qu'ils commettent, évidemment, contre les populations, mais aussi contre leur patrimoine. C'est vraiment essentiel. Le dispositif au Yémen a été aussi totalement modifié, puisque le Yémen est un pays totalement insécure aujourd'hui. Au Yémen, bien sûr, c'était un domaine où nous avions de très nombreuses missions, depuis le paléolithique jusqu'à la période islamique. Là aussi, le savoir-faire français s'adapte, et l'Arabie saoudite, qui était un pays qui nous était guère ouvert, a maintenant, je crois, quatre missions, dont plusieurs sont dirigées et dont les membres sont des collègues qui ont été formés au Yémen. Donc là aussi, il y a une adaptation aux circonstances. Et un pays se ferme, mais l'Arabie saoudite nous offre maintenant une collaboration qui est vraiment exemplaire et peut-être inattendue par rapport à la situation que nous connaissions, que l'on pouvait connaître il y a encore 6 ou 7 ans. Reste l'Iran, l'Iran qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre et qui se ferme, ce jeu depuis très longtemps maintenant. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment du côté de l'Iran le désir de nous voir revenir. Nous avons un collègue qui part en Iran d'ailleurs, avec la possibilité peut-être de pouvoir retravailler en Iran. Il est évident qu'il faut tenir compte de nos relations diplomatiques, mais je pense que l'Iran est un pays qui, aujourd'hui, nous fait de nombreux signes et appelle du pied pour que nous revenions. Ce qui est donc encore un signe que l'archéologie est un bon vecteur de ces relations qui essayent de se mettre en place pendant des périodes de crise qui ne sont pas encore tout à fait résolues. Où fouillerons-nous prochainement ? Vers quel pays, vers quelle recherche nouvelle la France s'engage-t-elle ? Jean-François Jarige ? Anne Griot ? Je dois dire que... Le secrétaire général de la commission des fouilles va dévoiler le futur appel d'offres. Non, mais nous avons eu parfois des discussions assez vives sur le fait que nous n'étions pas présents dans tel ou tel pays. Notre pays ne peut pas tout faire. Nous nous inscrivons dans une collaboration internationale et il y a des domaines où nous n'avons pas de spécialistes ou pas encore de spécialistes. Mais néanmoins, nous avons ciblé parfois, enfin le ministère a ciblé des zones, l'Amérique. Par exemple, l'Amérique, qui est une région où nous avions beaucoup de missions, les missions ont vieilli, il manquait de... Alors, ce n'est pas de nouveaux terrains, c'est simplement de continuer ces activités. Et il y a eu un appel d'offres qui a permis la création de 5 nouvelles missions. Cette année, un nouvel appel d'offres est fait pour l'Asie et pour des zones où nous sommes très peu représentés. Donc, il y a une espèce de coup de pouce pour pousser les uns et les autres à... être présent sur des terrains qui sont importants pour nous. Mais naturellement, on ne peut pas tout faire. Les capacités de nos universités, du CNRS, nous permettent pas d'être présents partout. Mais on a mentionné des pays où on ne travaillait pas autrefois. Le Taklamakan, depuis une quinzaine, vingtaine d'années. C'est la Mongolie. Alors évidemment, nous n'avons pas beaucoup de missions en Chine, mais la Chine est un pays très développé. Nous n'avons pas beaucoup de missions au Japon, mais on a quand même une opération maintenant en Corée du Nord, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Et parfois, on peut dire, c'est aussi l'occasion qui fait le larron. Si on a un bon spécialiste, il peut créer les relations dans des pays où, a priori, nous n'avions pas de tradition. Et voilà, donc de nouveaux terrains s'ouvrent. Vous avez cité l'Alaska, nous avons une mission, l'appel d'offres nous a permis de créer une mission en Alaska. Et donc, je pense que d'autres missions sont créées dans ce cadre de cette politique d'appel d'offres que fait le ministère des Affaires étrangères. C'est aussi la mise en valeur de sites archéologiques. On pense bien sûr tout de suite à Delphes, Délos, Suse, Marie, Carnac, mais il y en a d'autres. L'Encore, par exemple. Encore, bien sûr. Site absolument formidable. C'est très important, bien sûr, pour les Cambodgiens, après le Kampuchea et désormais pour le tourisme. Oui, Angkor est effectivement très, très emblématique de notre coopération, à la fois dans sa dimension scientifique, mais dans sa dimension également de développement, y compris développement, impact environnemental, développement de l'activité économique. Je crois qu'on a effectivement quelque chose d'assez exceptionnel à Angkor de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Et puis, je remercie aussi Adeline Obraz, responsable du pôle SHS et archéologie du ministère des Affaires étrangères, avec qui j'ai préparé cette émission. Mardi prochain, à 15h30, le Salon Noir sera consacré au Japon, le Japon médiéval, un monde à l'envers, avec Pierre-François Souiri, professeur à l'Université de Genève et qui a été longtemps en poste au Japon, à la Maison française. Le Salon Noir était réalisé par Philippe Baudouin, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr, où vous retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.